Yeah, yeah. Spliff allumé. Tête dans les étoiles. Tête dans les étoiles comme Galilée. Tête dans les étoiles. La tête dans les étoiles comme Galilée. La tête dans les étoiles. Comme Galilée. Pas du genre à perdre, Rachela. Laisse les rages pénaves, j'suis là. A chaque rime, j'adoucis ma peine, chaque syllabe. Je frappe avec les mots, j'fais du rap peine, chaque syllabe. Y'a jamais eu de problème, et à la prod, j'aimais des pénalties. Maintenant que j'manie la prose, c'est toujours propre, mais bon, ça paye pas t'y mal. Spliff allumé. La tête dans les étoiles, cerveau plein de bœufs dans les poches, même pas 10 balles. J'pédale depuis tant d'années. Dans l'appart, ça sent l'amener. On consomme le temps passé, nous consume. On s'est nous-mêmes condamnés. Moi j'ai plus de temps à perdre, non, j'suis pas venu pour baratiner. Les petits pensent plus à rien, part au fruit, ça part à dealer. Si ça continue, ça va tirer. La tête dans les étoiles, les bien terrestres peuvent pas m'attirer. Inanimé, tête dans les étoiles comme Galilée. Spliff allumé, tête dans les étoiles comme Galilée. Tête dans les étoiles comme Galilée. Dans les étoiles, dans les étoiles comme Galilée. Tête dans les étoiles. Tête dans les étoiles comme Galilée. Tous les soirs je rêve de la vie de rêve. Dans ma tête la toupie tombe pas. Regarde dans le ciel, ouais je naviguerai. La vraie vie sous toupie tombe pas. Je vois tous les gens qui s'éloignent. Les gens qui changent, les gens qui jouent, les gentils. Du coup je reste tranquille chez moi. Et je sens qu'ils sentent que je sens que j'ai des envies de tous les baiser comme Viva Street. Défense maîtrisée comme Viva Strict. Réalité tout comme image triche. Cache des douleurs passées comme un visage crispé. Y'a des mirages qui se paient. Celui de la réussite, celui de la paix. Quand on le signe par les usines, je toucherai sûrement que le SMIC demain. Mais là je fais de la zig inutile par les usines. Souvent je m'inquiète quand mes cas sortent. Entier qu'avec mes frères quand mes cas sortent. Je t'impose ce que je pense comme un vegan. T'es dans les étoiles comme Galilée. Inanimé, tête dans les étoiles comme Galilée. Spliff allumé, tête dans les étoiles comme Galilée. Tête dans les étoiles comme Galilée. Dans les étoiles, dans les étoiles comme Galilée. Dans les étoiles comme Galilée. Dans les étoiles, dans les étoiles comme Galilée. Dans les étoiles comme Galilée.